Bonsoir Laurence Garcia. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Soro Solo. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous. Pour cette soirée de Noël, France Inter vous propose un programme spécial paillettes qui sentira bon la dinde rôtie, le sapin de Noël et même le pudding. Laurence, ouais. Ça donne envie. Hein. Oui, vous adorez ça, je crois, Soro Solo. Oui. Alors cette soirée, votre soirée va commencer dans Autant n'importe l'histoire par une adaptation du nouvel Agatha Christie Christmas Pudding, tout à fait de circonstance, un épisode des aventures d'Hercule Poirot. Et vous, Soro Solo, donc à 22h, qu'est-ce que vous nous cuisinez de bon? J'ai entendu le mot pudding. Je crois que ce que je propose aux auditeurs de France Inter va ressembler à une espèce de pudding de mélange, pudding façon tropicale. Puisque nous allons avoir comme un fil conducteur musical la chanteuse afro-américaine Liz Macomb, qui avec son nouvel album raconte les différentes chansons de Noël. Avec moi, j'aurai aussi le comédien, musicien Simon Wensé du Burkina Faso, qui nous raconte un peu la fête traditionnelle de son pays, des Samo, qui coïncide à la fête de Noël. Bien entendu, tout ça assorti de mes propres coups de sang, là où je suis pas d'accord avec les cadeaux excessifs de Noël. Les coups de sang, il en a en plus, ça c'est loin. Comment on tombe dans le mimétisme, etc., etc. Et vous, Laurence Garcia, à 23h? À 23h15, avec l'acteur Patrick Timsit et notre camarade Laurent Delmas, on va jouer à contre-pied, en fait. On va pas faire ça dans... Pas dans tes rêves, mais dans tes cauchemars de dîner de famille, ces circonstances, les sujets qui fâchent à table, les cadeaux colliers de chien, la fameuse bûche au beurre, Festin, quand même. Non, ça sera drôle, et avec plein d'extraits de films cultes, notamment du cinéma, qui s'amusent de ces familles qui pètent les plombs aussi. Chouette. Voilà. Okay. Donc on vous écoute, Laurence Garcia, ce sera à 23h15. Et vous, Soro Solo, et bien dans une heure à 22h. Exactement. Bon Noël. Comme promis, dans Autant n'importe l'histoire, un réveillon de Noël en compagnie d'Agatha Christie, le Christmas Pudding d'Hercule Poirot. Le célèbre détective belge, impayable avec son crâne d'œuf, ses moustaches brillantinées et ses petites manies. Mais gare à celui qui se moque, Hercule Poirot, vous le savez, a un flair redoutable. À Londres, en décembre 1960, quelques jours avant Noël, notre détective reçoit la visite d'un étrange personnage, Monsieur Jesmond, mandaté pour une affaire hautement délicate. L'enquête, qu'Hercule Poirot finit par accepter, va le conduire dans un manoir anglais, où Monsieur et Madame Lacey, de délicieux septuagénaires, s'apprêtent à fêter Noël avec leurs petits-enfants. Une famille réunie autour du sapin, une dinde rôtie, un Christmas pudding et même de la neige. Quoi de plus idyllique et de plus innocent? Mais vous vous en doutez, avec Agatha Christie, la neige va vite se teinter de rouge. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Tout à l'heure, pour parler d'Agatha Christie, je recevrai Anne Martinetti, grande connaisseuse de l'écrivaine anglaise. Mais tout de suite, le Christmas Pudding d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie, avec Michel Vuillermoz, la comédie française, dans le rôle d'Hercule Poirot, et Edith Scobb dans celui de Madame Lacey. La réalisation est signée Cédric Ossir. Monsieur Jesmond, j'ai un rendez-vous important. Je regrette infiniment... Je vous en prie, monsieur Poirot. Il s'agit d'une véritable affaire d'État. Sachez-le, votre collaboration sera appréciée en très haut lieu. Vous êtes trop aimable. Mais je ne peux vraiment pas entreprendre ce que vous me demandez. À cette période de l'année, en plus... Imaginez. Un Noël à l'ancienne, dans la campagne anglaise. Je ne suis pas anglais, je vous le rappelle. Dans mon pays, Noël, c'est une fête pour les enfants. Nous, c'est le nouvel an que nous célébrons. Ah, mais en Angleterre, Noël est une véritable institution. Et je vous assure, à King's Lacey, vous la verriez dans toute sa splendeur. C'est une vieille maison merveilleuse, vous savez. Une des ailes remonte au XIVe siècle. L'hiver, figurez-vous, je ne quitte jamais Londres. Monsieur Poirot, je crains que vous ne mesuriez pas bien la gravité du problème. Si, je mesure, et je compatis de tout cœur avec le prince. Mais la police sait être très discrète, vous savez. Non, pas question de faire appel à la police. Il nous faudrait passer devant des cours de justice. Or, nous savons si peu de choses. Nous soupçonnons, nous ne savons pas. Je suis navré pour vous. Les traditions se perdent, vous savez. Les gens préfèrent passer les fêtes dans les hôtels de nos jours. Alors qu'un Noël anglais, avec toute la famille, les enfants qui attendent leurs cadeaux, le sapin, la dinde, le pudding, le bonhomme de neige... Pour faire un bonhomme de neige, il faut de la neige. Et elle ne vient pas sur commande, même pour un Noël anglais. Ah, mais d'après un ami du service de la météo, il est très probable qu'il y en ait cette année. De la neige à la campagne, ce serait le bouquet. Dans un grand manoir de pierre. Pas du tout. Les choses ont bien changé. Il y a le chauffage central au mazout. Comment ? Ils ont le chauffage central au mazout à King's Lacey ? Absolument. Et des radiateurs dans les chambres. Je vous assure, cher monsieur Poirot, King's Lacey représente le summum du confort. Vous allez peut-être même avoir trop chaud. Trop chaud, c'est fort improbable. La situation est grave. En effet, un jeune prince, fils unique du roi d'un riche et puissant état oriental, était arrivé à Londres quelques semaines plus tôt. L'opinion publique de son pays se montrait passablement méfiante envers ce rejeton. Récemment, toutefois, on avait annoncé ses fiançailles. Le jour du mariage avait été fixé et le jeune prince s'était déplacé en Angleterre, emportant avec lui quelques-unes des fameuses pierres précieuses de sa famille afin de les faire remonter de manière plus moderne par un célèbre joaillier. Parmi elles se trouvait un rubis d'une grande valeur. Tout jusque-là s'était bien passé. Et puis, le futur marié s'était octroyé à Londres quelques joyeuses fredaines. Un grand classique. Le prince avait emmené sa maîtresse chez un grand faiseur pour qu'elle choisisse un bijou. Mais, flatté de l'intérêt que lui manifestait la dame, il lui montra le fameux rubis, poussant l'imprudence à l'autoriser à le porter un soir. Erreur fatale. La suite, vous la devinez. La belle avait quitté la table pour se repoudrer le nez. Le temps a passé, elle n'a pas reparu. Elle avait quitté l'établissement et s'était volatilisée. Le rubis avec elle. Ce rubis, vous l'avez compris, n'est pas une pierre ordinaire. Et les circonstances de sa disparition, si elle venait à être divulguée, pourraient avoir de graves répercussions politiques. Je comprends, monsieur Jessmond. Nous devons retrouver le rubis. Et il n'y a que vous. Oh, peut-être. Vous avez si peu d'éléments à me donner. Des impressions, des soupçons, tout cela est bien maigre. Son Altesse est très jeune. Il serait désolant que sa vie fût gâchée pour une simple erreur de genèse. Nous devons éviter le scandale. Or, ce rubis a une histoire qui remonte extrêmement loin. Il y a eu pour lui beaucoup de sang versé, beaucoup de morts. Des morts ? J'espère bien que ça n'ira pas jusque-là. Enfin, bien sûr que non. J'en suis certain. Vous ne pouvez pas en être certain. Quelle que soit la personne qui détient le rubis, d'autres vont peut-être vouloir s'en emparer. Et ils n'iront pas par quatre chemins, très cher monsieur. Alors, je peux considérer que c'est entendu, monsieur Poirot. Vous irez à King's Lacey. Et comment expliquerai-je ma présence là-bas ? Nous pourrons arranger cela très facilement grâce à une personne de ma connaissance. Edwina Morecambe, qui est très amie avec les Lacey. Je puis vous l'assurer, tout cela paraîtra parfaitement naturel. Et vous verrez, Mr. et Mrs. Lacey sont des gens délicieux. Vous ne me racontez pas d'histoire avec le chauffage central au mazout. Mais non, je vous assure, vous aurez tout le confort. Arrivé à King's Lacey, Hercule Poirot converse avec Mrs. Lacey dans le salon de réception. Âgée d'environ 70 ans, mais droite comme un cierge, Mrs. Lacey avait des cheveux d'un blanc de neige, un nez démesuré et un menton volontaire. J'espère que notre fête de Noël vous plaira, Monsieur Poirot. Nous serons en famille, vous savez. Mais Edwina Morecombe m'a affirmé que c'est cela que vous vouliez voir. Un Noël à l'ancienne. Eh bien, vous serez servi. Le sapin, les chaussettes pleines de friandises suspendues au lit, la dinde, la soupe aux huîtres, le plum pudding et tout le reste. Vous me mettez les papilles en folie, madame. Je crois que ce qui nous guette tous demain soir, c'est une indigestion carabinée. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dehors ? Encore un de leurs jeux ? Vous savez, j'ai toujours eu très peur que le Noël ici assomme les enfants. Eh bien, pas du tout, c'est le contraire. Ils paraissent s'amuser comme des fous. Et puis, ils ont toujours faim. À mon avis, on ne les nourrit pas assez dans leur pensionnat. Vous avez raison. En tout cas, il est infiniment aimable à votre mari et à vous de m'accueillir ainsi dans votre cercle familial, madame. Edwina m'a garanti que vous pourriez éventuellement nous aider. Je ne vois pas bien comment, mais elle m'a dit que vous aviez une fois ôté une sérieuse épine du pied à des amis à vous dans une affaire, comment dire, un peu semblable à la nôtre. En fait, peut-être ne savez-vous même pas de quoi je vous parle. Il s'agit, si j'ai bien compris, du coup de cœur assez malvenu de votre petite fille. Oui. Edwina semblait sous-entendre que vous pourriez avoir, comment dirais-je, des renseignements utiles sur ce jeune Desmond Lee Wortley. Si je ne me trompe, il n'a pas très bonne réputation. Ça non, alors. Il l'a même exécrable. Seulement avec Sarah, ma petite fille, l'argument ne portera pas. Cela ne fait qu'exalter les jeunes filles davantage. Vous avez mille fois raison. Dans ma jeunesse, Seigneur, ça ne date pas d'hier. On nous mettait en garde, vous savez, contre certains jeunes gens. Mais en fait, on se débrouillait toujours pour danser avec eux ou les retrouver seuls dans la pénombre d'une serre. Non, c'est pour ça que je n'ai pas voulu laisser mon futur mari faire ce qu'il avait en tête. Non, confiez-moi plutôt ce qui vous préoccupe. Les parents de Sarah étant décédés, c'est nous, ses grands-parents, qui l'avons élevée. Peut-être était-ce imprudent, mais nous avons pensé qu'il valait mieux lui laisser le plus de liberté possible. On ne peut pas aller contre l'esprit du temps. Mais Sarah, comment dire, donne dans ce qu'on appelle la tendance bistrot. Elle habite un petit deux pièces sordide à Chelsea, porte ces drôles de vêtements qui plaisent aux jeunes, des bas épais, noirs ou vert pomme. Elle doit gratter comme ce n'est pas permis. Et pour couronner le tout, elle sort pas lavée, pas peignée. C'est la mode. Ça passe avec l'âge. Oui, je sais. Seulement, elle s'est entichée de ce Desmond Lee Wortley qui traîne vraiment une sale réputation. Il vit plus ou moins au crochet de filles riches. Elles ont toutes l'air folles de lui. Je ne veux pas que Sarah tombe dans ses griffes. Mais depuis qu'ils sont arrivés ici, elle n'a Dieu que pour lui. Je ne saisis pas bien, madame. Ce Desmond Lee Wortley, il est ici, chez vous, en ce moment ? Ça, c'est une idée à moi. Je me suis dit, comme ça, Sarah le verra chez nous, dans notre ambiance familiale, on sera très gentil avec lui, il lui paraîtra beaucoup moins intéressant du même coup. Votre attitude est très intelligente, madame. Espérons. Mais depuis 48 heures qu'il est arrivé, ma tactique n'a pas l'air de donner de résultat. Je dois vous avouer quelque chose, monsieur Poirot. Je ne peux m'empêcher d'éprouver pour lui une certaine attirance. Non, pas une véritable attirance, bien sûr, mais je sens le charme agir. Et il a de bon côté, il a demandé s'il pourrait faire venir sa sœur ici, voyez-vous. Elle vient de se faire opérer et de sortir de l'hôpital. Et il trouvait cela triste qu'elle passe Noël dans une maison de convalescence. Il a promis qu'il lui montrait ses repas et s'occuperait de tout. C'est plutôt gentil de sa part, non ? Cet altruisme semble peu en rapport avec le personnage. Ma foi, c'est vrai qu'on peut aimer sa sœur et aussi vouloir mettre le grappin sur une fille riche. Car voyez-vous, Sarah sera très riche. L'année prochaine, à ses 21 ans, elle héritera d'une très grosse fortune de sa mère. Pensez-vous pouvoir nous aider d'une manière quelconque ? Je ne vous promets pas de miracle, mais je ferai mon possible. Ne serait-ce que pour vous remercier. Ce n'est pas si facile, j'imagine, d'organiser une fête pareille de nos jours. Ça, non, on ne peut plus être servi aussi bien qu'autrefois. Mais pour Noël, nous avons beaucoup de chance. Nous pouvons toujours compter sur Mrs. Ross, une cuisinière merveilleuse. Ah. Et notre fidèle Peverell. Votre majordome ? Oui. Ah. Nous l'avons mis à la retraite, mais il insiste toujours pour faire le service à Noël. En fait, il est si âgé et branlant qu'à chaque fois qu'il porte quelque chose d'un peu lourd, je m'attends à ce qu'il lâche tout. Mais nous lui sommes très attachés. Alors vous voyez, nous sommes parés pour passer un joyeux Noël. Un Noël blanc. Regardez, il neige. Voici les enfants. Venez faire leur connaissance, Monsieur Poirot. Essuyez vos pieds avant d'entrer. Ah ben, je vous présente Monsieur Poirot. Mrs. Lacey présenta à Hercule Poirot ses petits-enfants. Michael, Bridget. Deux adolescents de 15 ans, souriants et pleins de vitalité. Voici Sarah. Bonjour. Et Desmond Lee Wortley. La voilà. Une jolie rousse. L'air nerveux, un rien rebelle, mais elle montre une réelle affection pour sa grand-mère. Quant à ce Desmond, un pull de pêcheur, un jean noir serré, les cheveux longs, le vrai bad boy. Pas rasé en plus. Après le thé, servi avec des scones, des muffins et des sandwichs au concombre, tout le monde se dispersa. Les plus jeunes se réfugièrent dans le bureau pour écouter de la musique. On fait un tour dans le jardin, Desmond ? On est tous ici. Quoi ? Allez marcher ? Tu rigoles. Je sors la voiture et on va prendre un verre au pub. Au cochon tacheté. Non. Allons plutôt au cerf blanc. À l'autre village. C'est plus marrant. Sarah ne l'aurait avoué pour rien au monde, mais c'était contraire à la tradition de King's Lacey qu'une femme mette les pieds au cochon tacheté. Je ne trouvais pas que Desmond était charmant, ma grand-mère chérie. Oui. Tu sais, je veux surtout que tu sois heureuse. Voici ton chevalier servant qui revient avec la voiture. J'aime beaucoup ses pantalons serrés, mais ça fait ressortir les genoux cagneux. Ah, vous croyez? À plus tard, grand-mère. À plus tard, amusez-vous bien. Mrs. Lacey retourna à la bibliothèque et y trouva Hercule Poirot endormi près de la fenêtre. Alors, ma beauté, tu t'es fait enguirlander parce que tu vas au pub? On retarde d'un siècle dans ta famille. Il manquerait plus qu'on me fasse des remarques. Et cet étranger, il est français ? Belge, je crois. Et qu'est-ce qu'il fabrique chez toi ? C'est un flic, hein ? Un détective ? Il y a quelque chose à détecter à King's Lacey ? Oh, il n'est pas venu à titre professionnel. Question police, ça fait des lustres qu'il est rangé des voitures. T'as vu ses moustaches ? Et ses cheveux noirs ? Il doit se teinter, hein ? Non, d'après ce que j'ai compris, il voulait voir un Noël anglais à l'ancienne. Il n'y a rien de plus tarte que ce genre de truc. Je me demande comment t'arrives à supporter ça. Parce que ça me plaît. Tu parles, arrête. Bon, allez, ma puce, on arrête les frais. Demain, on se tire. À Scarborough ou ailleurs. Non. Ça leur ferait trop de peine. Hein ? T'en es plus à ces momeries à l'eau de rose ? Non, bien sûr, mais... De leur côté, Bridget et Michael sortaient faire un tour dans le jardin. Ça va tomber toute la nuit. Si on faisait un bonhomme de neige. Oula ! J'en ai pas fait depuis l'âge de 4 ans. C'est pas bien compliqué. On pourrait lui donner la tête de ce monsieur Poirot. En lui collant une grosse moustache noire. Il y en a une, je crois, dans le coffre à déguisement. Je me demande comment il peut avoir été détective privé. Je l'imagine pas en train de chercher des indices avec une grosse loupe ou de mesurer des traces de pas. J'ai une idée. Si on lui montait un bateau... Comment ça ? Eh bien, lui organiser un faux crime. Tu veux dire avec un faux mort dans la neige, ce genre de truc ? Génial. Pour qu'il se sente dans son élément. C'est peut-être charrié un peu. La neige fera un décor parfait. Tu vois ? Le cadavre. Des traces de pas. On va étudier ça de près. Piquer un des poignards de grand-père, fabriquer du sang. Il y a une vieille boîte de peinture dans le garage, on pourrait s'en servir pour le sang. Ah oui, avec du carmin. Non, le carmin c'est trop vif. Il faut quelque chose de plus marron. Et c'est qui fera le mort? Moi. Hé, minute, hein. C'est moi qui ai eu l'idée. Non, il faut que ce soit une fille. C'est plus poignant, une jolie fille étendue dans la neige. Jolie, tu parles? En plus, j'ai les cheveux noirs. Et alors? Ça tranche mieux dans la neige. Et puis, je mettrai mon pyjama rouge. Bah non, on verra pas les taches de sang. Ouais, mais ça fera de l'effet sur la neige. En plus, il y a des bordures blanches, on aura qu'à mettre les taches dessus. Ça serait chouette, non? Tu crois qu'il va vraiment se faire avoir? Si on se débrouille bien, oui. Il faudra qu'il n'y ait que tes traces de pas dans la neige. Et puis, celles de quelqu'un d'autre qui s'approche et qui s'éloigne du cadavre. Des empreintes d'homme, bien sûr. Comme il ne voudra pas les brouiller avec les siennes, il ne s'apercevra pas que tu n'es pas vraiment morte. Dis, il va pas prendre ça mal, au moins. Non, je crois pas. Il comprendra bien qu'on lui a fait une blague, une sorte de jeu de Noël, quoi. On devrait quand même éviter le jour de Noël. Grand-père risque de ne pas apprécier. Le lendemain, alors? Ok. Va pour le lendemain. Et ça nous laissera plus de temps pour préparer. Allez, viens. On rentre. C'était le soir du 24 décembre. Le soir de tous les préparatifs. Je passe une manche. Le sapin trônait dans le salon. Regardez. Tout le monde donnait un coup de main pour le décorer. Fixer les branches de houx sur les murs et suspendre le bouquet de gui dans l'entrée. Je crois que grand-mère a prévu les bonbons dans les chaussettes, comme tous les ans. Commence à être un peu grand, non? J'adore l'odeur des bougies mêlées à celle du sapin. Ah, c'est vraiment le parfum de Noël. Je croyais pas que des coutumes aussi archaïques se pratiquaient encore. On a toujours fait comme ça chez nous. Tu parles d'une raison. Allez, sois pas si rabat-joie, Desmond. Je trouve ça assez chouette, moi. Tu vas pas me dire que t'aimes ça? Non, pas vraiment, mais... Un petit peu quand même. Qui se sent d'attaque pour braver la neige et aller à la messe de minuit? Il est minuit moins 20, ça approche. Viens par ici, Sarah. Bon, il y a des limites, dis. La messe de minuit... Oui, là, vraiment. On va mettre un disque. J'en peux plus des Christmas Carols. Il y a quoi là-dedans? Avec force, éclat de rire et piétinement, la plupart des autres enfilèrent leurs manteaux et sortirent. Hercule Poirot se leva de son siège. Vous allez vous coucher, monsieur Poirot? Oui. Il est tard. Eh bien, bonne nuit. J'espère que vous dormirez bien. Hercule Poirot monta l'escalier et pénétra dans sa chambre, une vaste pièce amplement pourvue en radiateur. Il se dirigeait vers le lit à colonnes lorsque soudain... Une enveloppe sur l'oreiller? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce papier sale? Mangez pas une miette du Christmas pudding, quelqu'un qui vous veut du bien. Eh bien, quelle horrible écriture! Et les fautes d'orthographe! Plutôt sibyllin comme message. Et tout à fait inattendu. Le déjeuner de Noël avait débuté à 2h de l'après-midi. De véritables troncs d'arbres brûlaient dans la grande cheminée. À la soupe aux huîtres avaient succédé deux énormes dindes dont il n'était reparti que les carcasses. À présent, c'était le moment suprême du pudding, apporté en grande pompe par le vieux Pèvrel. Mon Dieu, va-t-il y arriver? Un Noël ou l'autre, c'est sûr, il va tomber le pudding dans les mains. Mais que vaut-il mieux, prendre le risque de le voir tomber raide mort ou celui de le vexer à mort? Le pudding trônait sur un plat d'argent. Gros comme un ballon de football, un rameau de houx planté triomphalement en son sommet et entouré de superbes flammes bleues et rouges. Ah ! C'est bon, il l'a posé. L'opération pudding est réussie. En un rien de temps, Mrs. Lacey découpa le pudding. Les assiettes circulèrent entre les convives, porteuses de parts encore léchées par les flammes. Il faut faire un vœu, monsieur Poirot. C'est la tradition, un vœu avant que ça s'éteigne. Vite, grand-mère chérie. Vous avez servi tout le monde? Un bref silence régna sur la table quand chacun formula son vœu. Personne ne remarqua l'expression un peu étrange que prit Monsieur Poirot lorsqu'il contempla son assiette. Mangez pas une miette de plum pudding. Que diable signifiait cet avertissement? Ma part n'a pourtant pas l'air différente de celle des autres. Ah, je n'aime pas qu'un mystère me résiste. On l'arrose d'un peu de sauce whisky, monsieur Poirot. Oh, ma foi, pourquoi pas. Là encore, j'imagine, vous n'avez pas lésiné sur la qualité. C'est le whisky que mon mari garde précieusement dans son bureau. Je lui ai chapardé. Il est vachement bon, ce pudding. Précautionneusement, Hercule Poirot s'attaqua à sa part. Délicieux. Il prit une deuxième part. Il allait passer à la troisième quand un tintement léger au fond de son assiette lui fit suspendre son geste. Monsieur Poirot, vous avez trouvé quelque chose? Oh, c'est le bouton du célibataire. Monsieur Poirot a le bouton du célibataire. Oh, il est très joli. Ça veut dire que vous allez rester célibataire. Pour ça, il y a de grandes chances. Je suis célibataire depuis de longues années et il est peu probable que cela change. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du verre? Grand-mère, est-ce possible que Mrs. Rose ait laissé du verre dans le pudding? Du verre? Par chance, je ne l'ai pas avalé. Regardez, une pierre en toc comme celle qu'on trouve dans les papillotes. Vous permettez? En voilà une pierre énorme, rouge et scintillante. Que je n'arrive pas à comprendre, moi, c'est comment elle a fait pour atterrir dans le pudding. Oh, j'ai le cochon. Moi, j'ai la bague. Moi, je crois que j'ai la pièce de 10 shillings. Au milieu des rires, personne ne remarqua que Poirot avait négligemment laissé tomber la pierre rouge dans sa poche. Après le déjeuner, alors que les plus âgés s'étaient retirés pour une sieste réparatrice, Hercule Poirot, lui, se rendit à la cuisine. M'est-il permis de féliciter la cuisinière pour ce merveilleux repas? Mrs. Ross était une grande et forte personne au port noble, digne comme une duchesse de théâtre. Ravie que vous ayez aimé, monsieur. Aimé? Mais vous êtes un génie, Mrs. Ross, un véritable génie. La soupe aux huîtres, la dinde farcie, tout a été pour moi une véritable révélation. Vous êtes bien aimable. Et le Christmas pudding? Pas acheté dans le commerce, fait maison, bien sûr. Oh, ça oui, monsieur. C'est ma fabrication et ma recette à moi, la même depuis des années. Les puddings qu'on achète, ça ne vaut rien. Remarquez, celui-ci était un peu jeune. Un bon pudding doit être fait plusieurs semaines à l'avance. Celui-ci n'a été préparé qu'il y a 3 jours, la veille de votre arrivée. J'ai quand même respecté la tradition. Chacun dans la maison a dû passer dans la cuisine, donner un tour de cuillère à la pâte et faire un vœu. C'est une vieille coutume, voyez-vous. Ah, très intéressant. Ainsi, tout le monde est passé à la cuisine. Oui, les jeunes, Bridget, Michael, monsieur de Londres et sa sœur, Mrs. et Mr. Lacey, oui, ils ont tous donné leur tour de cuillère. Et combien de puddings avez-vous fait? Celui-ci était le seul? Non, j'en ai fait 4. Deux grands et 2 petits. Le second des grands était prévu pour le jour de l'an, les 2 petits pour le colonel et Mrs. Lacey quand ils seront seuls dans la maison. Je vois, je vois. En fait, monsieur... Ce n'est pas le bon pudding que vous avez eu aujourd'hui au déjeuner. Pas le bon pudding? Comment cela? Voilà. Nous avons un grand moule spécial dans lequel nous mettons le pudding au bain-marie. Or, ce matin, Annie, l'aide cuisinière, en l'attrapant de l'étagère, l'a fait tomber et il s'est cassé. Oh. Évidemment, je ne pouvais plus servir ce pudding. Il aurait pu y avoir des éclats dedans. Et donc, il a fallu prendre l'autre, celui du jour de l'an. Vous comprenez, je ne suis plus secondée comme avant, les domestiques de nos jours. Oh, les temps changent, en effet. Et cette maison, tout le temps vide. Il n'y a qu'à Noël que la famille vient. C'est la première fois, si je me trompe, que Mr. Lee Wortley et sa sœur sont présents. Oui, monsieur. Mais nous, ici, on pense que ce n'est pas vraiment quelqu'un pour Miss Sarah. Ah. Enfin. Et sa sœur, pauvrette, une si petite santé. Elle paraissait bien le jour où elle est arrivée. Et puis l'autre fois, après avoir tourné les puddings, elle s'est trouvée de nouveau mal et n'a plus bougé de son lit depuis. Oh. Ah, c'est docteur de maintenant. Merci infiniment, Mrs. Ross. Après cette belle et longue journée de Noël, Hercule Poirot alla se coucher tôt. Eh bien, quel mystère ce pudding! Je n'y comprends goutte. Enfin, nous verrons bien. Il se mit au lit, mais pas pour dormir. Et au bout de 2 heures de patience... Ah, ça y est. Je le savais. Faisant semblant de dormir, une personne venait d'entrer dans la chambre et à la lumière d'une lampe de poche, s'était mise à examiner les affaires de Poirot. Son portefeuille, ses habits, les tiroirs. Elle glissa la main sous l'oreiller, fit le tour de la pièce et enfin, après une petite exclamation de dépit, quitta la chambre. Tiens donc, tu t'imaginais peut-être qu'Hercule Poirot allait cacher quelque chose là où tu aurais pu le trouver. Il se tourna sur l'autre côté et s'endormit paisiblement. Mais le lendemain matin... Monsieur Poirot. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Michael. Il s'est passé quelque chose. Monsieur Poirot, aidez-moi. Il est arrivé quelque chose d'affreux. Quelque chose d'affreux? Quoi donc? C'est Bridget. Elle est là-bas, dans la neige. J'ai l'impression... Elle ne bouge pas, elle ne parle pas et... Oh, vous feriez mieux de venir voir. J'ai très peur que... J'en suis sûr, elle est morte. Hein? Mademoiselle Bridget? Morte? On dirait qu'elle a été tuée. Il y a du sang et... Tu as réveillé tout le monde dans la maison? Non, non. Je n'ai prévenu que vous pour l'instant. Grand-père et grand-mère dorment encore. Elle, Bridget, se trouve de l'autre côté de la maison, près de la terrasse. Oh, venez, je vous en supplie. Ouvre la marche. Je te suis. Dehors, le ciel était clair. La neige avait cessé, mais elle était tombée en abondance pendant la nuit et couvrait tout d'un épais manteau immaculé. Le monde ne semblait que pureté, blancheur et beauté. Là, c'est là. À quelques mètres d'eux, Bridget gisait dans la neige, vêtue d'un pyjama rouge et d'un châle de laine blanche maculé d'une tache écarlate. Sa tête couverte par ses cheveux noirs. Au milieu de la tache se dressait le manche incurvé d'un grand couteau. Mon Dieu, on se croirait au théâtre. Je sais, c'est bizarre. Ça n'a presque pas l'air vrai. Vous voyez ces traces de pas? Je suppose qu'il ne faut pas les brouiller. Ah oui, les traces. Oui, il ne faut pas les brouiller. Quand même, la première chose, c'est de voir si elle vit encore. Tu ne crois pas? Oui, évidemment. Mais vous savez, j'ai pensé que, enfin... Prudent, c'est ça. Tu as dû lire des romans policiers. Surtout, ne toucher à rien et laisser le cadavre dans l'état où il est. Seulement, on n'est pas encore sûr que ce soit un cadavre. Il faut penser médecin avant de penser police. Tu n'es pas de mon avis? Aussi, j'ai cru bien faire. Bon, reste ici. Je vais m'approcher par l'autre côté afin de ne pas effacer les traces. Superbes ces traces, n'est-ce pas? Si nettes. Ça doit être les empreintes de pieds de l'assassin. Oh, tout à fait. Un pied long et étroit avec des chaussures d'un genre bien particulier. Facile à reconnaître, je crois. Oui. Ces empreintes vont avoir une grande importance. À ce moment, Desmond Lee Wortley sortit de la maison en compagnie de Sarah. Qu'est-ce que vous fabriquez dehors? Il se passe quelque chose? Mon Dieu! Oh, on dirait... Exactement. On dirait un meurtre, n'est-ce pas? Hein? Vous voulez dire que quelqu'un a tué cette petite... Comment s'appelle-t-elle déjà? Bridget? C'est impossible. Hercule Poirot fit le tour et s'approcha de Bridget. Qu'est-ce que vous avez manigancé? Cette vieille Bridget. Elle est sans sas, non? Elle ne bouge pas d'un poil. C'est horrible. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas le choix. Appelez la police. L'un d'entre vous veut-il s'en charger? Monsieur Poirot, j'ai quelque chose à vous dire. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher. C'était juste une de ces farces qu'on fait à Noël, vous savez? On voulait vous faire le coup du meurtre pour rire. Ah, je comprends. Vous vouliez me faire un poisson d'avril le 26 décembre? Oui, je sais, on n'aurait pas dû... Allons, Bridget, relève-toi. Tu dois être gelée. Ah, c'est curieux, elle n'a pas l'air de vous entendre. Tu es sûr, Michael, que c'était une farce? Évidemment, c'est une blague. Alors pourquoi mademoiselle Bridget ne se relève-t-elle pas? Je comprends pas. Allez, Bridget, arrête de faire l'andouille par terre. Bridget! Bridget! Mais pourquoi elle se relève pas? Vous... Monsieur Lee Wortley, venez ici. Prenez son pouls. Elle n'a pas de pouls. Le bras est inerte. Mais elle est vraiment morte ? Eh oui, vraiment morte. Quelqu'un a transformé la comédie en tragédie. Quelqu'un ? Qui ça ? Il y a deux traces de pas parallèles qui font l'aller et le retour. Des traces qui ressemblent diablement à celles que vous venez de laisser en venant jusqu'ici, monsieur Lee Wortley. Eh là ! Vous m'accusez, moi ? Vous êtes tombé sur la tête ? Pourquoi diable aurais-je voulu tuer cette gamine ? Ah, pourquoi ? Je me demande. Voyons un peu. Regardez. Elle tient quelque chose dans sa main. Oh, mais... c'est les pierres qu'il y avait dans le pudding. Vous êtes sûr ? Absolument. D'un geste vif, Desmond se baissa et saisit la pierre de la main de Bridget. Vous n'auriez pas dû faire ça. Je n'ai pas dérangé le cadavre, pas vrai ? Alors que ce truc pourrait se perdre. Ce qu'il faut, c'est faire venir la police le plus vite possible. Je vais tout de suite téléphoner. Monsieur Poirot, je ne comprends pas. Ces traces de pas, que vouliez-vous dire ? Les voyez par vous-même, mademoiselle. Elles sont identiques. Ah, mais alors vous ? Desmond ? Non, mais c'est ridicule ! C'est lui. C'est sa voiture. Non, mais il doit être allé chercher la police au lieu de téléphoner. Rentrons à la maison. Nous allons attraper la mort ici. Et nous ne pouvons rien faire avant le retour de Desmond avec la police. Mais on ne peut pas laisser Bridget comme ça, toute seule. Le fait que nous restions là ne l'aidera pas non plus, Michael. Venez. C'est triste, c'est une tragédie, mais il n'y a plus rien à faire pour Miss Bridget. Rentrons au chaud. Et prenons peut-être une tasse de thé ou de café. Ils s'installèrent dans la salle à manger. Et quand chacun eut devant soi une tasse de café... J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est celle d'un jeune prince qui est venu en Angleterre. Hercule Poirot leur raconta donc comment on lui avait demandé de récupérer le joyau qui avait été volé par la maîtresse du prince. Or, cette jeune femme a un ami qui a monté plusieurs opérations douteuses, chantage, trafic de pierres précieuses. Et voilà que j'apprends que ce jeune gentleman vient passer Noël dans cette maison. Comme il est important que la jeune voleuse disparaisse quelque temps de la circulation, le jeune homme s'arrange pour la cacher ici, à King's Lacey, en la faisant passer pour sa sœur. Oh non. Non. Il en est pourtant ainsi. La jeune dame, censée sortir de l'hôpital, se sent beaucoup mieux en arrivant ici. Mais survient la nouvelle de l'arrivée d'un détective. Elle a la frousse et ne sort plus de sa chambre. Et le rubis ? Au moment où elle a appris mon arrivée, la jeune femme se trouvait dans la cuisine avec vous, tous réunis, pour tourner la pâte des puddings. C'est là qu'elle a caché le rubis, dans un des puddings. Celui, bien sûr, qui devait être mangé le jour de l'an. D'ici là, elle aurait eu le temps de le récupérer. Mais voilà que le matin de Noël, le pudding prévu pour le déjeuner tombe par terre. La brave Mrs. Ross ne fait ni une ni deux, elle sert l'autre pudding. Bon sang ! Vous voulez dire qu'à Noël, c'est un vrai rubis que Sarah a trouvé dans son pudding ? Et vous pouvez imaginer l'émoi de Monsieur Desmond Lee Wortley à cette vue. Ensuite, j'ai glissé le rubis dans ma poche. Mais le soir... une personne est entrée dans ma chambre pour tenter de le récupérer, sans succès. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, vous l'aviez donné à Bridget. C'est ça ? Mais je comprends pas bien. Vite, la suite ! Venez à la fenêtre. Observez une nouvelle fois le lieu du crime. Oh ! On a quand même pas rêvé ! Quelqu'un a enlevé le corps ! Le mystère du cadavre envolé. Mais non d'une pipe, monsieur Poirot. Vous n'avez... Il nous a tous menés en bateau. C'est vrai, mes enfants, je vous ai joué un tour. J'étais au courant de votre petite conspiration, voyez-vous. Alors j'ai monté une contre-attaque. Ah, voici Miss Bridget. Bridget ? Bien remise de votre séjour prolongé dans la neige, j'espère. Un gros pull, une bonne tisane et je suis en pleine forme. J'ai juste un peu mal au bras avec le garrot que vous m'avez fait mettre. Est-ce que j'ai bien joué mon rôle, monsieur Poirot ? Vous avez été magnifique, mon enfant. Mais vous voyez, tous les autres sont encore dans le brouillard. Hier soir, j'ai approché Miss Bridget, je lui ai expliqué que j'étais au courant de votre petit complot. Eh oui, je vous ai entendu quand vous complotiez d'or. Et je lui ai demandé si elle accepterait de jouer un rôle pour moi. Elle a fait les empreintes avec une paire de chaussures de Monsieur Lee Watley. Mais à quoi ça rime tout cela, Monsieur Poirot? Quel est l'intérêt d'envoyer Desmond chercher la police? Ils seront hors d'eux quand ils apercevront que ce n'était qu'un coup monté. Sarah, je ne crois pas un seul instant que Monsieur Lee Watley soit allé chercher la police. Tout ce qu'il voulait, c'était récupérer le rubis. À mon avis, vous ne le reverrez pas de sitôt. Non, c'est pas possible. Je peux pas croire un mot de tout ça. Hélas. Et le rubis, Monsieur Poirot? Vous avez laissé ce type partir avec? Ma foi... Il nous faut encore marcher. Hein, Monsieur Poirot? Je vous propose un dernier tour de passe-passe. Regardez dans ma poche gauche. Ça y est, le voilà. Vous comprenez? Celui que Bridget tenait dans sa main n'était qu'un faux en verre coloré. Je l'avais apporté de Londres pour le cas où. Voilà, le scandale est évité. Monsieur Desmond, en essayant de vendre la pierre, s'apercevra vite qu'elle est fausse. La fin rêvée. Le prince va retrouver son rubis. Tout est bien qui finit bien. Enfin, sauf pour moi. Vous faites erreur, Mrs. Sarah. Vous avez acquis de l'expérience. Et toute expérience est bonne à prendre. C'est vous qui le dites. Eh bien, maintenant nous savons tout. Nous savons tout. Moi, je sais pas tout. Moi, dont c'est le métier de savoir. Mangez pas une miette du Christmas pudding. Quelqu'un qui vous veut du bien. Qui a pu écrire ce message? Et pourquoi? Monsieur? Qui êtes-vous, mon enfant? Annie Bates, monsieur, pour vous servir. Je viens ici aider Mrs. Ross. Je voulais pas faire quelque chose de défendu, vous savez. C'était une bonne intention. C'est vous qui avez écrit ça? Je pensais pas à mal, monsieur, je vous assure. Moi, j'en suis convaincu, mais expliquez-moi, pourquoi l'avez-vous écrit? À cause de ces gens, Mr. Wortley et sa sœur. Sa sœur. Moi, ça me ferait mal. Personne n'y croyait aux cuisines. Et puis, elle était pas plus malade que moi. Toutes. On se disait qu'il se passait quelque chose de bizarroïde. Je vous explique. Un moment, que j'étais dans la salle de bain à changer les serviettes, j'ai écouté à la porte. Mr. Wortley, il était dans sa chambre avec elle et il causait. Ce détective qui disait, ce Hercule Poirot qui arrive ici, va falloir employer les grands moyens, en débarrasser Plancher le plus vite possible. Et puis un peu plus tard, il lui a demandé comme ça d'un ton sinistre, dans quoi tu l'as mis? Dans le pudding, qu'elle lui a répondu. Oh monsieur, ça a été un tel choc. Je me suis dit qu'il voulait vous empoisonner, moi. Je savais pas quoi faire. Mrs. Ross, elle écoute pas une souillon comme moi. Alors m'est venue l'idée de vous écrire un mot d'avertissement. Et je l'ai mis sur votre oreiller. Vous regardez trop de films à sensation, Annie. Mais je retiens que vous avez bon cœur et une bonne dose d'ingéniosité. Merci, Annie. Je vous en prie. Eh bien, maintenant, partons. Je n'ai plus rien à faire ici. Monsieur Poirot ! Monsieur Poirot ! On s'est bien amusé grâce à vous. Allez, un bisou sous le gui. Et vos grands-parents ? Ils viennent juste de se lever. Finalement, je ne regrette pas d'être venu. J'ai passé un très bon Noël. Boboum, boboum, boboum, boboum, boboum. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Le Christmas Pudding d'Hercule Poirot, adapté de la nouvelle Christmas Pudding d'Agatha Christie, avec Michel Vuillermoz de la comédie française Hercule Poirot, Edith Scob, Madame Lacey, Mélanie Bernier, Sarah, Camille Clarisse, Bridget, Hélène Alexandridis, Mrs. Ross, Jean-Baptiste Lafarge, Desmond Lee Wortley, Yann Tassin, Michael, Daniel Berliou, Monsieur Jessmont et Marion Malenfant, Annie. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Maïwenn Le Jehan, bruitage, Elodie Fiat, assistante à la réalisation, Laure Chastan, réalisation, Cédric Aussire. Just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Vous écoutez France Inter, Autant en emporte l'histoire. Anne Martinetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis toute petite, je crois, une adoratrice de l'œuvre et du personnage d'Agatha Christie, à laquelle vous avez consacré plusieurs livres. Alors, l'histoire que je viens de raconter est une adaptation d'une nouvelle d'Agatha Christie, Christmas Pudding, publiée pour la première fois en 1960. Une œuvre, je crois, qui a été souvent adaptée à la télévision et à la radio anglaise. Oui, parce qu'elle évoque évidemment le Noël traditionnel anglais avec toutes ses spécialités culinaires. Et c'est un souvenir, même pour Agatha Christie, qui était un souvenir vraiment formidable. Elle réveillonnait chez ses grands-mères avec un repas à 12 plats, des tartelettes au mincemeat, le fameux Christmas pudding, la dinde, deux dindes, une rôtie, l'autre bouillie. Oui, ça c'est drôle, ça. Et une dinde bouillie, une dinde rôtie, le Yorkshire pudding, enfin toutes sortes de spécialités anglaises qui maintenant ne font plus bondir les Français, mais et au contraire, dont il se régale. Agatha Christie, donc, elle affectionne Noël, mais en même temps, il y a une ambiance comme ça, cosy, tranquille, très traditionnelle, remplie de bons sentiments. Et puis, en même temps, il y a ce mystère, il y a le crime qui rôde. Elle aime bien les contrastes comme ça. C'est l'univers anglais. On aime bien la tradition, mais on aime bien la modernité et nos amis anglais, bien que sortis d'Europe, sont extrêmement européens de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tout ce qui est légende, les légendes celtes, les légendes même vikings, hein, ils ont été plus ou moins peuplés par les vikings aussi, les territoires anglo-saxons. Tout cet univers se mélange et chez Agatha Christie se retrouve. On a à la fois de la littérature gothique, la littérature autour de Sherlock Holmes qu'elle a et puis le côté traditionnel anglais qu'elle a vécu en tant qu'enfant. Et puis le choc des différences, enfin aussi mettre un crime dans un univers apparemment très tranquille, très, très gentil, très pacifique, ça c'est sa spécialité. Ça c'est le point d'humour de beaucoup d'auteurs anglais. On a les traditions, les apparences et puis on a la réalité. Et la réalité c'est une mort violente, un mari jaloux, une femme volage ou l'inverse. Et puis les bijoux qui est aussi une thématique récurrente chez Agatha Christie. Et Agatha Christie elle-même, je crois, aimait beaucoup manger et elle aimait aussi faire la cuisine. Alors, elle aimait beaucoup manger. Il y a une tradition dans sa famille de bonne nourriture et de gastronomie, puisqu'il y avait un personnage qui est le personnage de la cuisinière chez ses parents, Mrs. Jane Roe, qui a été un personnage très très important dans l'enfance d'Agatha Christie. Donc, oui, parce qu'elle passait beaucoup de temps, je crois, dans la cuisine. Elle était pas rejetée de ses parents, mais enfin, en tout cas, un peu solitaire comme petite fille. Elle avait en tout cas une vie d'enfant de l'époque. C'est-à-dire qu'elle avait une nanny qui s'occupait d'elle, mais elle pouvait passer à toute heure dans la cuisine pour chercher un petit gâteau, un bun, un muffin, etc. Ouais, donc, on est dans les années 1900. Hein, exactement, dire, on est au début du XXe siècle. En 1890. On la voit, elle raconte dans son autobiographie ses souvenirs gourmands et il y a de nombreuses pages consacrées aux recettes et en tout cas aux plats excellents qu'elle pouvait déguster à ce moment-là. Voilà, une cuisine excellente, des bons souvenirs, mais en même temps, vous l'avez dit, Anne Martinetti, il y a aussi le poison qui entre là-dedans, hein, parce que qui dit bonne nourriture et qui dit roman policier dit forcément empoisonnement ou potentiel empoisonnement. Forcément, donc elle se sert de ces moments-là, soit comme des moments, elle s'en sert dans sa structure narrative, tout simplement pour tuer. Et ça arrive effectivement dans les deux tiers des romans. Donc on meurt en mangeant de très très bonnes choses. Donc, oui, parce que souvent dans les romans policiers, on meurt avec un revolver ou un poignard, mais chez elle, c'est pas... Ça arrive aussi, ça arrive aussi. Mais quand même, le comble du raffinement, c'est de mourir en mangeant un gâteau au chocolat. ce qui est le cas dans le titre Un meurtre sera commis-le, où le gâteau s'appelle La mort exquise, et où effectivement, il est empoisonné, on meurt en buvant des cocktails, on meurt en buvant du champagne. Il y a un titre qui s'appelle Meurtre au champagne. Et d'une manière générale, on meurt souvent en mangeant des sucreries. On meurt par là où on a pêché. Il paraît. Je me mets au régime demain, c'est le 25, c'est une bonne date pour démarrer. Et il faut dire aussi qu'Agatha Christie, elle avait une connaissance assez précise des poisons. C'est vrai, donc elle a été infirmière volontaire pendant la Première Guerre mondiale et il s'est trouvé qu'elle a été donc chargée de l'approvisionnement et de l'armoire au poison à Torquay dans le Devon où elle a grandi. Ce qui fait qu'elle a développé une science des poisons qui est une science réelle et elle a utilisé cette science. Donc elle n'utilise jamais le même poison deux fois dans ses romans. Elle fait de certains pharmaciens des personnages très intéressants dans son œuvre. Et il y a aujourd'hui à Torabé un jardin au poison qui est le jardin d'Agatha Christie. À visiter d'urgence. Oui. Alors dans cette histoire également, il me semble que ce qui me frappe, c'est le mélange de conformisme et en même temps d'humour d'Agatha Christie, donc le personnage d'Hercule Poirot qui est un peu pudibon, qui a ses petites manies, il ne saurait se passer de son chauffage central. Et Madame Lacey également, cette vieille dame charmante, très attachée aux traditions de Noël, qui veille à la moralité de sa petite fille et qui en même temps, elle peut pas s'empêcher de reconnaître qu'elle a un petit faible pour le Desmond, ce bad boy. Elle reconnaît qu'elle a eu des petites histoires quand elle était jeune avec des garçons interdits. Enfin, il y a ce mélange entre les deux. Et ce mélange, il existe vraiment, on le retrouve, et moi je l'affectionne particulièrement dans toutes les œuvres d'Agatha Christie. Et cette Mrs. Lacey, c'est évidemment Agatha elle-même qui a l'âge de la grand-mère au moment où elle écrit le roman. Et elle a ce côté, effectivement, elle veut préserver sa petite fille, mais elle ne veut pas l'empêcher de s'amuser. Et c'est récurrent dans sa vie. Lorsqu'elle raconte sa vie dans son autobiographie, elle raconte que elle, ce qui l'intéresse, c'est de s'amuser et qu'elle a flirté pas mal avec des garçons lors de ses voyages en Égypte. Alors évidemment, comme elle l'explique, flirter, ça n'est pas tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas voilà, mais en revanche, faire croire au jeune homme que il est qu'on est séduit, danser avec lui. Donc cette Mrs. Lacey, elle est particulièrement charmante, drôle et c'est une grand-mère idéale. Et en même temps, on est en 1960, sans doute Agatha Christie n'est pas insensible à ce qui se passe, à l'air du temps, enfin on n'est plus dans les années 30, elle voit une jeunesse qui émerge, des garçons qui portent des jeans serrés, les cheveux longs, il y a un regard aussi sur la jeunesse, c'est un peu déjà la jeunesse des Beatles quoi qui arrive. Oui, c'est vrai, on est tout à fait dans cette époque-là. Il y a un autre roman qui s'appelle La troisième fille qui accentue encore cette étude un peu d'entomologie que fait Agatha Christie sur les jeunes. Et comme elle dit, j'adore les pantalons dans la nouvelle, j'adore les pantalons serrés que mettent les jeunes gens, mais ça fait ressortir les genoux cagneux. Et donc, il y a toujours ce côté, je suis indulgente, je suis compréhensive, mais je ne suis pas pour autant bornée et je vois bien aussi ce qui ne va pas dans cette jeunesse. Donc, il y a en permanence un petit peu la carotte et le bâton envers les jeunes. Merci beaucoup, Anne Martinetti, d'être venue déguster avec nous le Christmas Pudding donc d'Agatha Christie pour cette soirée de Noël. Ah, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur elle, notamment Crème et Châtiment, recettes délicieuses et criminelles d'Agatha Christie, coécrit avec François Rivière, édité chez Lattès, et plus récemment Mortel Cocktail aux éditions du Masque. Et bien sûr, à lire d'urgence la nouvelle Christmas Pudding d'Agatha Christie qui est disponible au livre de poche. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. À la réalisation, Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique, Kevin Pelot. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, il n'y aura pas d'Autant n'importe l'histoire, mais à l'occasion du réveillon du jour de l'an, un masque et la plume de 2 heures consacré aux films et spectacles de Noël. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir dimanche 7 janvier avec un Autant n'importe l'histoire consacré à Mary Shelley, l'écrivaine anglaise qui en 1816, lors d'un étrange été passé dans les montagnes suisses en compagnie de ses amis poètes, inventa un héros de la littérature fantastique, promis un bel avenir, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Frisson garanti, rendez-vous donc dimanche 7 janvier. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, la suite de notre soirée spéciale Noël avec Soro Solo qui nous propose un Noël avec Liz Macom pour les chants de Noël et Simon Vincé du Burkina Faso pour une ouverture tropicale de Noël.